Allô ? Allô ? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Je vous appelle parce que j'ai des problèmes depuis quelques années. Oui. De surdité. Et vous aviez déjà consulté un médecin ORL ? Ah, vous avez, j'entends. Allô ? La dame a raccroché. Allô ? Je te jure, écoute, la dame a raccroché. Allô ? Monsieur, est-ce oui, que vous oui, avez... Oui, madame, excusez-moi. Oui. Je vous en prie. Est-ce que vous avez déjà consulté un médecin ORL ? Ah, des oreilles ? Voilà. Oui, oui, madame. Et vous avez marqué quoi ? Mais vous savez, c'était il y a 10 ans. Oula. Il m'avait dit que j'avais une légère surdité que j'ai toujours, je pense. Oui, généralement, ça s'arrange pas. Ça se voit pas ? Ça ne s'arrange pas. Ah non, c'est vrai que je l'entends pas. Donc, voilà. Donc, comme je l'entends pas, bon, bah, mais il faudrait que j'y retourne. Ce que je peux vous proposer... Attendez, excusez-moi, je vais changer d'oreille. Parce allez-y. Que je pense que... Oui, voilà, je vous écoute, là. Ce que je peux vous proposer, c'est de prendre un rendez-vous avec un de nos audioprothésistes. Là, j'entends plus rien, je vais changer de... Oui, changer d'oreille. Qu'est-ce que vous disiez, monsieur ? Madame, c'est toujours madame. Excusez-moi, madame, qu'est-ce que vous disiez ? De vous prendre un rendez-vous avec un des audioprothésistes afin... Non, je le connais pas, ce oui, monsieur. Oui, non, vous pouvez pas encore le connaître. J'avais connu le docteur Martin, mais monsieur D, le D, je sais plus comment vous avez dit, monsieur D, je le connais pas, lui. Bougez pas. Désiste. Merci, madame. Oui. Oui, ça a changé, c'est oui, vous mais c'est pas des monsieur. Docteurs. Non, c'est pas des docteurs chez nous, hein. Ah, vous êtes... Oui, bonjour, bonjour, docteur. Donc, je vous bon, appelez... écoutez, si c'est une blague, c'est pas drôle. Pardon ? Alors, il n'y a pas de docteur chez nous, par voilà, contre... Ah voilà, donc c'est bien ce que je voulais... Docteur, j'ai eu une demoiselle à l'instant qui était sympathique, à qui j'expliquais que j'avais une légère surdité. Oui, non, c'est pas le docteur, c'est toujours la demoiselle ah, de tout à l'heure. Ah, il m'a repassé la demoiselle. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, alors c'est comme vous voulez. Soit vous allez voir le médecin... Oui. Soit vous prenez rendez-vous... Bah, repassez-moi le monsieur que vous m'avez passé il y a 2 minutes. C'était toujours moi, il n'y a jamais eu de docteur au téléphone. Mais non, je discutais avec un monsieur qui était très sympathique d'ailleurs. C'était moi. Ah, excusez-moi, monsieur. C'était c'était toujours la fille. C'était quelle toujours fille? La fille. Moi. Ah, pardon. Prenons rendez-vous, c'est plus simple. D'accord. Alors, vous voudriez venir quand? Oh non, je peux pas. D'accord. Alors, samedi matin. Tu notes lundi matin. Samedi. Oui, moi aussi. Donc lundi, tu notes, Simone. Lundi. Non, samedi. Ah. Ah, est-ce que vous pouvez me passer le monsieur qui est avec vous, non, la c'est dame ma, c'est ma femme. Ah, bah, est-ce que je pourrais avoir votre femme, s'il vous plaît? Bah écoutez, si vous voulez... Alors, le problème, c'est que ma femme est très sourde. Simone, tu peux venir, s'il te plaît. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est Simone à l'appareil? Oui. Non, c'est pas possible, c'est une blague. Excusez-moi, qui est à l'appareil? J'aimerais bien savoir parce que là... Hein, c'est Simone. Je n'entends pas ce que dit la dame au téléphone. Moi, je vais raccrocher, excusez-moi, j'ai perdu trop de temps. Merci beaucoup. Bon, je te vois lundi alors. Bah lundi, c'est fermé. Ah, merde. Bon, bah samedi. Oui, voilà, samedi bien aussi. Ça vous va aussi, ça vous dit alors? Bon, bah là, je passerai. Ok. Vous marquez monsieur et madame Coé, nous passerons. D'accord, ok. Voilà. Salut Coé. Excusez-moi. Mais au revoir madame alors. Nous passerons. C'est qui? Mais c'est qui? Monsieur Coé. Jeune retraité des anciens combattants de la radio. Et donc nous passerons. C'est laquelle de radio Coé? On en a fait tellement. Non, mais c'est bon, bah allez, ciao. On en a fait tellement, on sait plus où il est. Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, il est sur Europe 2 le matin. C'est possible, oui. On l'écoute fort, très fort. Voilà. Mais je crois qu'on la capte pas, Europe 2, c'est con. C'est pas vrai. Mais c'est quand même, tout le monde l'écoute. C'est Europe 2, ça? Non, on capte pas, je suis désolée, là. Ah, alors là, je peux plus rien faire. Ils ont non. Plus le RTF. À bientôt, nous payer madame. Une nouvelle radio, à bientôt. À bientôt, au revoir, madame.